Et on va commencer par la prière. On va nous aider de venir sur terre. Notre bon Père du ciel, chacun de nous, on est ici et nous devons te rendre grâce. C'est à cause de ta bonté, de ta miséricorde, c'est à cause de ton pardon. C'est à cause de ta toute-puissance qui nous a régénérés, que nous sommes soucieux d'apprendre de toi. Ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de notre chair. Et c'est pour ça que nous te donnons toute la gloire. Et Seigneur, nous sommes réunis ensemble, tes enfants, parce que nous voulons regarder le sujet de la prière. Et on te demande, Seigneur, que tu puisses nous diriger par ton esprit, par ta parole, afin qu'on puisse mieux comprendre ce sujet dans les Écritures. Donc, donne-nous de voir la différence entre nos habitudes, nos traditions, entre notre liberté que nous avons et les principes des Écritures, qui sont des absolus pour nous en tant que tes enfants. Conduis-nous en tant, par ton Esprit Saint et au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je ne savais pas comment vous pensiez qu'on fonctionnerait. Je ne sais pas si vous pensez que c'était une étude ou une discussion. Donc, on va mélanger les deux, si vous voulez bien. Ouais, on va faire un petit peu de petite étude pour lancer le débat. Et ensuite, ça, on pourra, si vous avez pris le temps chez vous de méditer sur le texte, ben de poser vos questions ou de lancer des suggestions ou de donner votre opinion sur comment vous comprenez le texte afin de pouvoir avoir une interaction les uns avec les autres. Ce que je pensais hier en m'en venant, je me disais, le sujet de la Bible, c'est quoi? Le sujet fondamental, unique de la Bible, c'est quoi? Dieu. C'est une personne. C'est Dieu ou Jésus, c'est Dieu trinitaire que nous connaissons. C'est lui le grand... Le sujet de toute la Bible. On le voit comme Dieu créateur, on le voit comme Dieu qui est le roi du monde, le roi d'Israël, le roi des nations. On voit Dieu qui est le Dieu sauveur, qui vient sauver. On le voit le Dieu juge à la fin. C'est l'histoire de Dieu, cette affaire-là. Donc, quand on parle de la prière, il faut intégrer ce petit sujet-là dans le grand sujet. Des fois, on le met à part, quasiment. On le met à part, puis on en parle comme si c'était un sujet par lui-même. C'est pas un sujet par lui-même. Ça fait partie du grand sujet de la Bible, qui est Dieu. Et quand on fait ça, qu'on le remet à l'intérieur de la boîte, ça devient plus facile à gérer ce sujet-là. Parce que, vous êtes comme moi, dépendamment avec qui je suis assis, ma conversation change. Les sujets changent. Si je parle plus ou moins, ça va changer. Si la personne qui est avec moi parle moins, moi je parle plus. S'il parle plus, je parle moins. Des fois, j'essaye, ça ne marche pas toujours. Moi, les gens qui me disent, François, tu parles beaucoup, je dis, parce que tu es un de ceux qui parle beaucoup aussi. Parce que les gens qui ne parlent pas me disent jamais que je parle trop. Parce que les autres, ils aiment ça écouter. Donc, c'est pas... Mais c'est vraiment... Donc, quand je m'assois... Et je m'assis dans la présence de Dieu, ou j'arrive dans la présence de Dieu, ça devrait se manifester par la relation que j'ai avec les autres. Et si jamais j'avais jamais fait l'étude dans les psaumes, vous remarquerez que David, à chaque fois qu'il va faire une requête, il va toujours invoquer une ou deux ou trois attributs de Dieu. À cause que tu es juste, Seigneur, là, il demande quelque chose. À cause que tu es miséricordieux et compatissant, il demande autre chose. Parce qu'il connaît le gars avec qui il est assis et qui parle, ça l'a dirigé sa requête, ça l'a dirigé sa louange ou son adoration ou les requêtes de prière. Puis vous remarquerez que David, en même temps, il fait des requêtes que lui seul fait dans la Bible, nous on ne pourra jamais faire. Comme il va dire, Seigneur, tue mes ennemis. Vous avez déjà fait ça? Des fois, vous avez peut-être vu en lui, avec votre voisin qui vient mettre sa roche sur votre pelouse. Mais on ne peut pas faire ça, non. Mais lui, il faisait. Pourquoi il faisait? Parce que Dieu lui avait donné une mission qu'on n'a pas, nous. Lui, sa mission, c'était de chasser les ennemis du peuple d'Israël, les pousser en dehors. Donc, son métier, c'était la guerre. Il glorifiait Dieu en faisant la guerre pour donner le peuple d'Israël sa terre promise, que Dieu avait promis qu'il donnerait. Il dit, tu vas aller, tu vas chasser tous les ennemis, un après l'autre, tu vas tous les envoyer. Donc, il pouvait demander à Dieu, détruis mes ennemis, fais mourir. Une place, il dit, casse-leur les dents, Seigneur. C'est vraiment Dieu comme langage qu'on n'entendra jamais dans nos prières. Mais nous, on va prier, Seigneur, délivre-nous de nos ennemis spirituels. Nous, on va prier dans ce sens-là, c'est plus spirituel. Donc, qui je suis, dans quelle situation que je suis, et avec la personne que je suis, qui est Dieu, qui est devant moi, ça va diriger ma vie de prière. C'est pour ça que Paul a fait, c'est quand les puissances spirituelles qu'on a. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on va chercher dans la Bible des exemples. Si vous allez dans l'Ancien Testament, faites bien attention, parce que vous êtes dans une autre alliance, vous êtes dans une théocratie, où est-ce que toutes les bénédictions en grande partie étaient matérielles et terrestres. Et quand vous arrivez dans la Nouvelle Alliance, c'est un royaume spirituel, et nos ennemis sont spirituels, et on change d'alliance. Il faut faire attention. L'autre jour, j'écoutais quelqu'un qui enseignait sur la prière, qui est allé chercher trois textes dans l'Ancien Testament, à trois fois, attention, il est parti croche. Finalement, il a mis un fardeau sur nous autres, au lieu de nous enlever, parce qu'il voulait qu'on vive comme dans l'Ancien Testament, puis je n'étais plus là, je n'étais plus dans cet état-là. L'Église est dans une autre situation. On a le même Dieu, mais on est dans une étape. Puis même qu'on change encore d'étape, et qu'on soit dans un nouveau ciel, une nouvelle terre, ça va changer encore. On va être encore avec le même Dieu, là, mais pourtant, ça va encore changer. On ne pourra pas dire, on va prier pendant qu'on était sur la terre encore, on va parler comme on était encore des humains pécheurs. Mais non, ça, des êtres humains non pécheurs dans des corps glorifiés, dans un monde où le péché n'existera plus. Mais vous savez, ça va être toute notre relation avec Dieu va changer encore une fois. Malgré que c'est toujours le même Dieu, on est toujours la même personne. Donc, il faut tenir compte de ça. Donc, il faut faire attention. Mais quand vous vous posez des questions par rapport à une enquête de prière, ramenez toujours votre cœur dans le grand rond, qui est la personne de Dieu. Dieu, c'est qui ce personnage-là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il a planifié pour sa journée? Qu'est-ce qu'il lui fait avec l'Église aujourd'hui? Quels sont vus dans le monde aujourd'hui? Et moi, je dois rentrer là-dedans avec ma prière et travailler avec Dieu. Ça fait toute la différence. Quand je parlais de partager hier, ça fait du sens. Comme partageur de pratique, mon gars m'a appelé pour aller l'aider sur la construction de sa maison. Je pars, j'y vais, je me mets à côté de lui. J'attends. Moi, je suis pas boss. J'ai juste été invité à aller travailler avec lui. Fait que là, il attend. Il me regarde. Ouais, papa, tu vas faire ça. OK, moi, je pars. Parce que je rentre dans son travail. Je deviens, entre guillemets, son serviteur, son employé, son esclave, si on peut l'appeler de même, et c'est lui qui a un plan pour sa maison, il sait ce qu'il veut. Moi, je suis là pour travailler avec lui, là-dedans. Et Dieu, c'est pareil. Dieu a un plan pour votre vie personnelle, mais il a un plan pour l'Église. Et automatiquement, moi, j'arrive là-dedans, et mes prières vont refléter ça. Vont dire, ah, je m'en viens. Et des fois, nos prières reflètent peut-être trop qu'on a notre propre agenda. On a nos propres plans, on a nos propres idées dans la vie. Puis on voudrait que Dieu rentre dans nos plans. Mais c'est une tendance. C'est la tendance humaine. C'est pas une tendance, c'est la façon que toutes les religions du monde fonctionnent. Et nous autres, on est différents. Puis comme je racontais hier à Patrick une histoire... Quand j'étais ici à Val d'Or, Geneviève avait pris un petit logement ici à Val d'Or. Et à un moment donné, elle a voulu s'en revenir chez nous. Et j'ai dit, je vais te dire qu'est-ce qui se passe chez nous. Moi, je suis sur mon bateau, mais moi, je m'en vais par là. Et si tu t'en viens chez nous, vivre avec nous autres, t'embarques sur mon bateau, moi, je m'en vais par là. Puis il dit, tu ne vas pas juste embarquer, tu vas m'aider à aller par là. Mais tu ne penses pas que tu t'en viens chez nous, là, tu vas vivre comme tu étais en appartement. Tu vas faire ce que tu veux dans mon bateau. Bon, je crois que je vais rester en appartement. Voyez-vous, là, c'est ça que je pense avec Dieu. Dieu, on rentre dans son plan. Et la prière doit refléter tout ça. Je rentre dans le plan de Dieu. Et la prière, c'est pas pour emmener Dieu à changer son plan, mais à m'emmener moi à travailler dans son plan. Et quand on a compris ça, la prière se place tranquillement. Ça se stabilise, cette affaire-là. Mais c'est là qu'il faut faire attention. Puis quand on voit les prières de Paul, on ne les a pas toutes, ces prières, bien entendu, puis on ne les fera pas toutes dans les fois que je vais venir, mais on va voir que toutes ces prières reflètent cela. Reflètent qu'il connaît le plan de Dieu et il travaille en accord avec le plan de Dieu. Et je crois que c'est ça que ça veut dire quand on lit la prière qui dit « Si vous demandez selon ma volonté, je vais vous exaucer. » Parce que sa volonté, c'est son plan. Et moi, je prie que le plan s'accomplisse. Automatiquement, ça va s'accomplir. Mais si je prie qu'il change son plan pour moi, c'est bien malheur. Là, on va dire, il répond tout le temps, mais il a dit non. C'est ça qu'on dit absolument en tant que chrétien. Dieu a toujours répondu, mais il a dit non. Il ne répond pas dans ce temps-là. Il faut juste te dire, ta prière ne va pas dans la direction que mon plan va. Donc, je ne te répondrai pas à cette prière. Donc, c'est là que la plupart du temps, quand on a de la difficulté avec la prière, c'est parce qu'on a de la difficulté à comprendre la personne de Dieu et le plan que Dieu a. Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Avec un mot. Donc, il m'a sanctifié pour que je puisse le glorifier. Que je sois un instrument ou un objet, entre guillemets, une personne qui lui va utiliser pour se glorifier. C'est ça son plan. Pas avec ma vie. Son plan, ce n'est pas que les choses aillent bien, puis tout marche comme je veux, puis que tout fonctionne comme je voudrais. Parce que, vous dites bien franchement, il y a des inconvertis qui, si on prend du niveau humain, ils ont des plus belles vies que nous autres. Là. Que certains chrétiens. Juste au niveau humain, là. Leur vie physique, leur santé, leur état financier, tout va mieux. Il y a des inconvertis qui vivent dans des pays où que la paix fonctionne bien. Puis il y a des chrétiens qui vivent dans des pays où ils sont maltraités, persécutés, sont malmenés. Pourquoi est-ce que, si on dirait que Dieu sera là pour notre bien-être, on ne comprendrait plus qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que vous allez voir des chrétiens, des fois, je ne comprends pas que Dieu permet ça dans ma vie, quand le voisin, lui, ça n'y arrive même pas. Puis il n'est même pas chrétien. Il se pose la question, pourquoi ça m'arrive à moi? Mais mon but, c'est pas ça. Mon but, c'est de te glorifier. Mon but, c'est de t'utiliser, toi, pour que moi, je sois élevé, que moi, je sois adoré. Donc, si je garde ça en perspective, des fois, nous, nos prières vont refléter plutôt, j'aimerais avoir une vie qui ça va bien. Que nous, on appelle bien, ça va bien. Pas de petits problèmes. Je voudrais qu'il fasse beau, puis je voudrais faire un tour avec un potable. C'est ça, je pense, moi, j'ai mes petites affaires à moi. Mais Dieu dit, moi, c'est pas là mon plan. C'est pas ça que je regarde aujourd'hui. C'est ça que je veux. Donc, il faut toujours garder ça en arrière-plan quand nous allons prier. Donc, ce que nous allons voir de Paul, nous autres, des certaines prières qu'il a faites, on en voit 5-6 pendant la journée. Il faut garder en arrière-plan ça. Là. Fait que les requêtes de Paul, il faut les regarder en arrière-plan avec ça. Je ne suis pas en train de dire que toutes les prières que Paul a faites dans sa vie étaient correctes. Mais ceux que Dieu a mis là sont corrects. Non, non, on n'en a pas nous autres. Mais je sais parce qu'en tant qu'être humain, il est comme nous autres. Fait qu'il a fait des requêtes qui pensaient correctes, mais Dieu a dit, comme pour François, comme pour d'autres, c'est non. Mais les prières qui ont été marquées dans les Écritures que Paul a faites, je crois qu'il était correct. Vous allez voir que c'est différent. Si vous les prenez toutes, les mettez toutes dans un livre, là, vous allez dire, ça ne ressemble pas à nos prières. On peut dire que son ancien vie, quand il priait, là, c'est certain que c'était l'autre affaire. Il devait prier que les chrétiens meurent. C'est pas une bonne exemple. Paul a demandé qu'il meure pour Son chambre. Oui. Ça peut-être être un exemple Oui, c'est un exemple que lui il veut. Oui, très bien. Très bien, c'est Daniel. Moi, je voudrais enlever les charmes parce que je crois que Paul pouvait dire, je pense que je vais pouvoir te servir mieux si je n'ai pas cette écharpe. Là, peu importe, là, c'est quoi. On n'est pas tous d'accord, les chrétiens, c'est quoi. Il y en a qui disent la maladie, il y en a qui disent c'est des personnes, il y en a qui disent c'est les yeux. Il y a toutes sortes d'idées. Mais Paul semble croire, en tout cas, je donne le bénéfice du doute, que lui, il pensait qu'en n'ayant pas l'écharpe, il pourrait peut-être servir Dieu mieux. Dieu dit non. Il dit non. Il dit, Paul, tu vas rester comme ça. L'écharpe, tu la gardes. Et Paul dit, c'est correct, ça n'est pas. Ta grâce me suffit, et je vais. Mais vous, il ne s'ostine pas avec. Il dit, m'en a demandé un autre mot, peut-être qu'il m'a fait mal avoir. Non, il accepte le fait que Dieu décide de sa vie. Si tu décides que je vais mourir en prison, c'est bien. Si tu décides que je vais mourir aveugle, c'est bien. Si tu décides que je vais être malade, c'est bien. Mais il dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Puis là, il donne tout un principe qu'on adhère dans nos vies. Ce n'est pas qui je suis qui est important, c'est celui qui est avec moi qui est important. C'est Dieu qui est important. Donc, Paul dit, c'est comme ça que tu me veux, Seigneur. J'accepte. Donc, c'est une des prières que lui pourrait, on pourrait dire, il a demandé. Il n'a pas eu de réponse. Dieu a dit non, je ne suis pas comme ça que je te veux. Et là, je peux me rebeller, puis dire, j'aime pas ça, je ne veux pas, ou je peux l'accepter. Puis dire, Dieu, tu sais mieux que moi ce qui est bon. Vous vous souvenez peut-être. On peut demander à Dieu qui nous aide à l'accepter. Oui, je crois que c'est. Mais là, c'est parce que là, son plan, si Dieu ne le fait pas, c'est parce que dans son plan, il nous a besoin comme ça. Dire, Seigneur, donne-moi la grâce de comprendre que toi, tu as quelque chose en vue, là. Moi, je crois qu'une des grandes parties que Dieu avait en vue, c'est que Paul écrive le Nouveau Testament, puis il l'a fait en prison en grande partie du temps. Donc, si Dieu ne l'aurait peut-être pas mis là, on n'aurait peut-être pas ce qu'on a là. Oui, il n'y aurait pas le temps. Moi, je me dis souvent, c'est pas grave, même si je ne comprends pas tout, mais c'est pas vu que toi, il se comprend. Lui, il sait ce que ça va. Même si nous autres, on ne sait pas tout le temps, où est-ce que lui, ça va. Et dans ce sens-là. Ouais. Donc, vous vous souvenez quand les apôtres sont venus auprès de Jésus une fois, puis ils ont dit, enseigne-nous à prier. Vous vous souvenez de ça, à deux, trois reprises, on a dit ça. Qu'est-ce qui les a poussés à demander ça? Pourquoi vous pensez qu'ils ont demandé ça? Parce qu'ils ont vu Jésus prier, ils l'ont entendu. Oui. Ils ont dû dire, ouais, on ne prie pas comme les autres. Voilà. Il dit, j'ai enseigné à des gens à prier, ses disciples. Et toi, enseigne-nous à prier. Ils ont dû voir, d'une façon quelconque, que Jésus ne priait pas comme eux avaient appris. C'est ça que je pense, parce que s'il avait prié de la même manière, il n'aurait pas dit enseigne-nous. Il aurait dit, on va aller prier avec toi. Tu sais? Donc, ils n'ont pas. Ils réalisent que tout d'un coup, il y a quelque chose qui marche. Donc, il faut que nous, en tant que chrétiens, quand on devient chrétien, il faut faire la différence entre ce qu'on priait avant. En tant que religieux qu'on était, c'est peut-être certains d'entre nous, et ou de non-religieux qu'on était. Et quand on devient chrétien, on dit, Seigneur, toi, enseigne-nous à prier. Comment est-ce que toi, tu pries? Des fois, on aimerait donc avoir les prières de Jésus quand il passait les murs de prier. On aimerait ça les avoir. Voir comment il priait, on en a un qu'une. C'est dans Jean 17. C'est la seule qu'on a. De notre part, je ne crois pas que c'était une prière, plutôt qu'un enseignement sur la prière. Mais la prière dans Jean 17, c'est la seule qu'on a. Jésus lève les yeux vers le ciel et là, il prie. Il fait une prière, puis comme nous, on a une page de la Bible à peu près. Mm-hmm. C'est la seule qu'on a. Puis vous, si vous regardez, c'est pas mal différent des fois ce que nous, on pensait de prier, comment lui a pu prier. Donc, c'est là qu'on va voir. Puis là, nous, on va pas regarder ce que Jésus a prié, mais on va regarder ce que Paul a prié. Okay? Donc, si vous avez vos Bibles, tournez dans Philippiens. On va lire de 1 à 11. Donc, s'il y en a un qui veut le lire bien fort, quelqu'un qui aimerait le lire bien fort pour que ça l'enregistre. C'était 1 à 11 ou 9 à 11? C'était 9 à 11, mais on va lire de 1 à 11 pour se mettre un peu dans le texte. Okay. Il y a quelque chose que je veux vous dire avant qu'on regarde la requête qui est dans les autres versets. Okay. Okay. Vas-y. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant en toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Donc, ce que je voulais faire ressortir avant qu'on regarde les versets, je vais regarder à partir du verset 3, Paul rend grâce. C'est une des choses que vous allez remarquer dans le Nouveau Testament, Paul rendait grâce. C'est vrai, je dis aux chrétiens, dans le sens remercier. Remercier, ouais, c'est ce que ça veut dire, rendre grâce, remercier. Une grande partie de notre vie de prière devrait être la louange. Devrait être la louange. Et l'adoration. Je suis surpris comment nos temps de louange sont plus courts que nos temps de requête. C'était comme ça pour vous autres. Et on avait ça vous a déjà vu des gens qui, là, plusieurs années, on avait un horloge pour faire les cultes. Le temps de louange était 5 minutes, à peu près, ou 5 et 7, 20 minutes. Le temps de requête était à 20 minutes. Dans le cadre, il était plus long que le temps de louange. Il semble qu'on avait plus de requêtes à faire que de remerciements à faire. Mais je crois que Paul, dans son habitude, si vous regardez les psaumes qui sont des prières en partie, vous allez voir que David, je dirais, plus que 75% de ses psaumes, c'est des louanges. Et je crois que la louange démontre un cœur reconnaissant, démontre qu'on voit ce que Dieu est en train de faire, démontre l'appréciation, démontre qu'on est content, qu'on est satisfait de ce que Dieu est en train de faire autour de nous. Parce que quand que je remercie, ça veut dire que j'ai apprécié ce que l'autre a fait, ce que Dieu a fait. Il dit, je rends grâce. Pourquoi est-ce qu'il rend grâce? Il dit, je rends grâce pour le souvenir que je garde de vous. Je manifeste ma joie à Dieu, des chrétiens qui sont autour de lui, de la joie que vous je suis content de ce que vous faites, je suis content de voir comment vous fonctionnez, il est heureux, puis il remercie Dieu, puis il loue Dieu pour tout le travail qui est fait à Philippe. Donc, il passe beaucoup de temps à louer, à remercier Dieu, à rendre grâce pour l'Évangile qui est proclamé, pour l'œuvre que les Philippiens font, l'œuvre que l'Évangile fait dans la vie des Philippiens. Donc, il rend grâce, il loue le Seigneur. Et je me dis, passons du temps dans la louange. Et ça ne devrait pas être forcé. Si je crois, si je reçois dans ma vie, si je m'aperçois, je veux dire que dans ma vie, je n'ai pas un grand désir de louange. Je vais m'arrêter et dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vois plus. Est-ce que je ne regarde pas assez? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Est-ce que je ne suis pas assez conscient de ce que Dieu fait autour de moi, dans ma vie, dans le monde? Est-ce que je suis pas assez conscient de voir l'œuvre de Dieu dans l'Église, dans le monde dans lequel je vis? Est-ce que je suis pas assez conscient des milliers de gens qui sont sauvés tous les jours dans le monde? Est-ce que je suis trop étroit dans ma perception pour voir ce que Dieu est en train de faire? Pourquoi est-ce que je ne suis pas en train de remercier Dieu plus que je le fais? Mais en même temps, on s'aperçoit que c'est notre être qui est comme ça. On est des êtres humains égocentriques. On pense plus à nous qu'à l'œuvre de Dieu, souvent. Donc, mais moi, je vous dis, passez du temps. Arrêtez-vous, mais qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans le monde? Souvent, le soir, quand je vais me coucher, je me dis, Seigneur, sans que j'en sois conscient, je sais qu'il y a des millions de chrétiens qui ont prêché l'Évangile aujourd'hui dans le monde. Jean, j'en sois conscient. Il y a peut-être des milliers et des milliers et des milliers d'êtres qui ont été sauvés, qui ont passé des ténèbres à la lumière. Ça, c'est grâce à toi. C'est grâce à ta puissance. C'est grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Et savez-vous qu'est-ce que ça fait? Ça nous amène la louange. Ça nous amène parce qu'on ne s'arrête pas assez. La paix aussi. La paix, oui. C'est que c'est pas je m'accable pas sur ce que j'ai pas fait, mais je me réjouis de ce que lui fait dans le monde. Et je crois qu'il en fait plus qu'on pense. Plus qu'on pense. Et je ne sais pas si vous êtes des gens qui sont des manettes aux nouvelles. Vous écoutez les nouvelles, et on dit tout le temps c'est des mauvaises nouvelles. Pas du tout. Mais si je pourrais vous stimuler, trouvez-vous des sites internet où est-ce qu'on vous donne des nouvelles des chrétiens. De loin, ça va vous pousser à la louange, de voir ce que Dieu est en train de faire dans le monde. Vous pouvez aller sur l'association transcanadienne, vous allez voir l'œuvre missionnaire, ou qu'est-ce qu'on a fait avec FAIR, les banques, AIDE, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et ça va vous dire, hey, on a fait des affaires, je n'étais pas conscient qu'on faisait tout ça. Dans ce monde-là. Je n'étais pas conscient que Dieu avait sauvé tant de monde en Corée. Je n'étais pas conscient qu'il avait sauvé tant de monde en Afrique dernièrement. Parce qu'on est sans tous. C'est notre petite vie. Puis une des choses que Paul avait comme privilège, je peux dire, c'est que Paul était au courant de tout ce qui se passait dans toutes les églises ou à peu près. Il y avait un réseau d'informations qui était là, qui venait lui. J'ai entendu dire par lui, j'ai entendu dire par l'autre, j'ai entendu dire par l'autre, j'ai entendu dire par l'autre. Je sais ce qui se passe. Puis là, je rends grâce à Dieu. Que votre, il dit aux Romains que votre foi s'est répandue dans toute l'Asie. Il est heureux de voir ce que Dieu avait fait. Mais si moi je m'arrête sur juste, oh Seigneur, j'ai pas l'argent que je voudrais aujourd'hui, puis je te demande de pouvoir, je suis bloqué sur ma petite affaire, je ne suis pas porté à la louange. Je ne suis pas porté à la louange. Donc, c'est sûr que c'est une façon, il y a bien des façons de le faire. Mais c'est une façon de le faire pour le louer. Donc, et là, on arrive dans notre discussion. Et Paul a juste une requête. Avez-vous vu qu'il y a plusieurs requêtes ou juste une requête là? Il demande juste une chose. Ce que je demande dans mes prières. Ce que je demande dans mes prières. Donc, il y a plusieurs prières, mais il y a une chose qu'il demande. Je prie que votre amour augmente de plus en plus. En connaissance et en pleine intelligence. Qu'est-ce qu'il veut dire par lui? On ouvre la discussion. De quel amour il parle ici? Il parle-tu de l'amour les uns pour les autres? Il parle-tu de l'amour pour Dieu? De l'amour pour le monde? De quoi est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il veut qu'il augmente? Qu'est-ce que vous êtes venu en tant que conclusion, vous autres? Si. L'amour pour Dieu, ouais. C'est ça ce que je veux dire. Si c'est l'amour pour Dieu, le reste va suivre. Oui, oui, je crois que oui. Donc, il parle que l'amour de Dieu augmente. Donc, ça veut dire qu'elle est déjà là. Hein, déjà là. Dans cet amour-là, on l'a, parce qu'elle ne peut pas augmenter si on ne l'a pas. Donc, il dit, je sais que vous aimez Dieu, mais j'aimerais, je prie Dieu, que votre amour pour Dieu augmente, grandisse. En pleine connaissance et en pleine intelligence. Donc, c'est pas un amour feeling. Là. Je me sens bien un matin. La vie chrétienne est belle. Oui. Ou bien, moi, j'ai vu des chrétiens, vous avez peut-être déjà fait. Ah, il fait beau, Seigneur, merci, il fait beau aujourd'hui. T'as peut-être fait ça même un matin. Parce que ça va dans la direction qu'on veut, tu sais, qu'on aimerait. Ah, la vie est belle, la vie chrétienne est belle un matin. Mais c'est pas ça qui parle. Mais il y a un but aussi de lancer la. De plus en plus en connaissance et en intelligence, mais il y a un but à ça. Oui, c'est ça. Pour être capable de s'y servir. Lui, il dit, il sait que si notre amour pour Dieu augmente, ça va faire quelque chose dans nos vies automatiquement. Moi, je vous dis, je l'ai fait longtemps. Je demandais les autres choses sans demander l'amour. J'essayais d'avoir une transformation dans ma vie. De changer les choses dans ma vie en priant pour que ça change. Puis ça ne change pas. Puis il dit, moi je prie que votre amour augmente et ces choses-là vont changer automatiquement. Voyez-vous la différence? C'est nous autres, on va comme inverser ça. C'est « aide-moi à pas pécher, aide-moi à faire ci, aide-moi à faire ça, aide-moi. » Puis on a toujours pogné avec. On s'en tout, continue tout le temps. Mais dis-moi, je prie que votre amour augmente et je sais qu'est-ce que c'est. Afin que, pour que ce soit, ça arrive, pour que des choses arrivent dans votre vie, je prie cette requête-là pour vous autres. Donc, c'est important pour nous qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire et comment ça va arriver. Comment est-ce que, qu'est-ce que je peux faire pour que mon amour augmente? Parce que je vais te faire juste la même prière tous les matins en me levant. Seigneur, fais que mon amour augmente. Amen. Va-tu augmenter? Va-tu qu'il y a une baguette magique? Ah, oh, j'aime plus Dieu qu'hier. Ne pense pas si tu as fait de même. Hein? Il dit, je veux que votre amour augmente en connaissance et en intelligence. Donc là, il nous rapporte à de la connaissance, l'apprentissage. C'est là que ça va jouer. Je veux que votre amour augmente, mais pas dans n'importe quelle direction. Votre amour va augmenter de pair avec la connaissance et l'intelligence. L'intelligence, là, c'est pas notre IQ, là. C'est pas ça qu'il parle ici. Oh, je suis content. De quoi vous pensez qu'il parle quand il parle de l'intelligence? En pleine intelligence. Les choses concernent Dieu. Oui. Ben, c'est... Moi, je pense qu'il dit tout à vrai pour discerner. Pour être capable de discerner les choses. Donc, l'intelligence, quand on dit qu'un homme est intelligent dans la Bible, c'est quelqu'un qui a une connaissance de Dieu, qui connaît les choses de Dieu, qui analyse bien les choses de Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, il dit, je prie que votre amour augmente en connaissance et en intelligence. Souvenez qu'on dit souvent, je t'aime parce que... Tu m'aimes. Oui, oui. Mais on a dit un autre mot de plus. Parce que tu m'as aimé le premier. Voilà. C'est ce que je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Donc, si je veux l'aimer plus, il faut que je découvre comment il m'aime plus que je pense. Plus je vais trouver comment il m'aime, plus je vais l'aimer. Donc, mon amour va augmenter en équation avec la compréhension de l'amour qu'il y a pour moi. Cette connaissance-là, je vais aller la chercher dans quoi? Comment je vais faire pour augmenter ma connaissance de son amour? Comment je peux savoir qu'il m'aime plus? Donc, c'est à travers les Écritures que je vais comprendre comment il m'aime. Donc, voyez-vous, là, on peut commencer à vouloir définir nos prières, pas juste dire, Seigneur, fais que je t'aime plus, Amen. Mais on va pouvoir aller un peu plus précisément dans nos prières. Et là, on va commencer à prier. On va commencer à prier pour notre connaissance, pour l'intelligence qu'on a, pour les Écritures, pour notre compréhension des Écritures, pour le temps que je vais mettre dans les études pour les Écritures. Ou c'est là que ça va jouer. Comment est-ce que je vais prier comme ma connaissance de Dieu? Avez-vous des exemples? Comment je pourrais prier concrètement un matin? Comment je pourrais prier demain matin? On prend ça comme exemple. Demain matin, c'est dimanche matin. Comment je vais prier demain matin que mon amour augmente? Sans juste dire, Seigneur, que mon amour augmente. Si c'est juste ça que vous pouvez dire, dites-le pareil, c'est pas grave. Si vous n'allez pas plus loin que ça, vous êtes en train de dire à Dieu, j'aimerais donc t'aimer plus. Je sais que je pourrais t'aimer plus. Je ne sais pas trop comment faire, mais je sais que je voudrais t'aimer plus. Donc, aide-moi à voir comment faire ça. Mais comment je pourrais prier demain matin pour que mon amour augmente plus dans la journée de demain. D'un, il faut passer du temps dans les Écritures, c'est ça qu'on vient de dire. Donc, si demain matin je me lève et je lis un passage des Écritures, c'est Seigneur en moi à comprendre afin que révèle-toi à travers l'Écriture. Voilà, ça, c'est au moins une chose. Je m'assieds avec ma Bible, puis Seigneur, révèle-toi à moi, montre-moi à toi qui tu es. Montre-moi à toi, je veux te connaître toi, en te connaissant, je vais voir comment tu m'as aimé aussi. Comment tu fonctionnes, comment tu agis. Donc, aide-moi à comprendre les Écritures pour que je puisse t'aimer davantage. Ça va produire du fruit dans ma vie, ça va produire des actions dans ma vie, cet amour-là qui va grandir en moi. Donc, ça, c'est l'une. Pour ça. Peut-être parce que J'ai la misère à saisir ta question. Comment est-ce que je fais? Quelle sorte de requête que je pourrais faire dans mes prières qui demande que je veux que mon amour augmente pour Dieu? C'est pas les prix pour que mon amour augmente pour Dieu. Mais je crois pas que Paul priait à tous les matins, je prie pour toute l'Église d'Israël pour que son amour augmente. Je crois qu'il était plus précis que ça. Ça, il résume ici, lui, sa pensée. Parce qu'il dit, dans mes prières, je prie que votre amour augmente. Donc, il voit comme un global, c'est la grande requête, mais il y a des, je crois qu'il y a des petites requêtes à travers ça qui fait que ça démontre que c'est ça que je veux. Exemple, demain c'est dimanche. C'est dimanche. Que qu'il montre plus, ben pas plus, mais que je puisse voir plus son œuvre concrètement dans tout le monde. Oui. Qui va attiser mon amour, qui va pouvoir m'émerveiller. Oui, mais ça, c'est encore en, comment je vais connaître qu'est-ce qui, comment est-ce qu'il fait les œuvres, c'est souvent en regardant les Écritures, souvent, si je vois à travers que Dieu a créé le monde, puis je m'arrête, je regarde le monde dans lequel je vis, je peux voir Dieu plus grand, plus puissant que je pensais. Mais, mettons qu'on voit demain matin, est-ce que je peux prier demain matin, qui est dimanche, je m'en vais à l'église? Quelqu'un qui va prêcher, là. Je vais aller prendre le repas du Seigneur. Est-ce que je peux passer du temps dans la prière pour que Dieu augmente ma connaissance de Dieu et de sa croix et de son œuvre pour l'Église, afin que mon amour augmente pour lui? Parce que quand mon amour augmente pour lui, la louange, la gloire va venir, l'adoration va venir, tout ça va être ensemble. Et demain, il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, il y avait une soeur, elle dit, moi, dimanche matin, je ne fais pas de culte, je t'envoie à l'Église. Et moi, je lui réponds, c'est le matin-là que je prie le plus. C'est ce matin-là que je prie le plus dans la semaine. Parce que je me rassemble avec le peuple de Dieu. Je m'en vais écouter quelqu'un qui va me parler de Dieu. Je vais faire la robe du Seigneur, je vais méditer en église sur ce que Dieu a fait pour moi. Donc, et je crois que ça fait partie du fait que j'augmente mon amour pour Dieu. Et une autre façon, vous pourriez prier. Commencez à prier de façon régulière pour le gars qui vous enseigne, pendant que lui étudie chez eux aussi. Ça, c'est une autre façon. Si vous dites, moi, je n'ai pas la capacité d'aller passer des heures et des heures et des heures dans la semaine pour étudier, bien, même, je suis même prêt à payer une partie d'un salaire de quelqu'un pour qu'il puisse étudier et qu'il nous enseigne, bien, je vais commencer à prier. Je suis content que ce soit ça, parce que je pensais à la personne qui n'a pas nécessairement la capacité d'étudier. Mais ça pourrait être en étudiant, en écoutant des vidéos, ça peut être en écoutant, en lisant un livre. Je t'envoie la même chose. Étudier les Écritures, c'est pas obligatoire que j'ai ma Bible devant moi, puis c'est moi qui la lis, moi tout seul chez nous. Je peux l'écouter de n'importe qui, je peux lire un livre sur un sujet que quelqu'un a écrit. Je peux aller écouter MacArthur, je peux aller écouter Carson, je peux aller écouter n'importe qui. Là. Et je peux prendre de l'information sur la personne de Dieu, qui a été faite par d'autres, à travers l'histoire de l'Église. Et je crois que c'est une façon. Et vous pourriez prier, Seigneur, parce que, qu'est-ce que je veux faire pour que je comprenne Dieu plus, et je sais que si je le comprends mieux, je vais l'aimer plus. Vous allez voir, quand j'ai commencé à prier là-dessus, il y a un paquet de petites prières qu'on fait dans une journée, ou dans une semaine, qui vont dans cette direction. Mon désir profond, c'est d'aimer plus Dieu. Et ça va se manifester dans un paquet de petites prières que je vais faire à travers la semaine pour pouvoir aimer plus Dieu. Ça peut être aussi de réaliser plus notre état aussi, de voir la profondeur de son pardon. Oui, ça tu vas le voir en étudiant la grandeur de l'amour de Dieu, du pardon de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Parce que si tu regardes ton péché, il va falloir qu'à un moment donné, tu te détournes, voir ce qu'il a fait lui face à ça. Ben, c'est ça. OK, c'est ça. Je vais tourner vers lui et dire, Seigneur, malgré ça, c'est ça, tu vas descendre dans le trou. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'il y a un paquet de prières que je peux faire pour moi, pour l'Église, pour des missionnaires que je connais, pour des gens, où est-ce que la parole de Dieu est prêchée dans l'Église. Parce que là, on parle de l'Église ici, on ne parle pas de les inconvertis, parce que leur amour ne peut pas augmenter parce qu'elle n'a pas commencé. Les autres, il faut que l'amour vienne pour commencer. Là. Nous, elle est déjà là. Puis, vous allez voir que Si vous aviez le temps de toutes les lire aux Philippiens plusieurs reprises, vous verrez pourquoi Paul demande ça. Paul demande ça parce qu'il sait que dans l'Église, il se passe de quoi, là? En plus. Il dit, je veux que vous ayez une bonne connaissance de la personne de Dieu. Et parce que votre amour va augmenter et ça va produire en vous des choses qui vont devenir automatiques. Moi, je vous dis que des fois, on prie pour avoir de quoi qui ne se passe pas parce qu'on ne prie pas la bonne chose. On ne prie pas la bonne chose. Et regardez ce que ça donne comme résultat. Pourquoi je veux que votre amour augmente? Pas parce qu'il veut qu'on se sente bien. Pas parce que, tu sais, des fois, j'ai rencontré un petit gars un jour, je suis en amour. T'sais, là, c'est une espèce de feeling, il est en amour. Tu sais, là, je n'étais pas sûr trop qu'est-ce qu'il voulait dire dans ce sens-là, mais je suis en amour. Mais c'est pas tout à fait ça que Paul parle. Il veut qu'on aime. Regardez le verset 10. Voici pourquoi je veux que vous ayez plus d'amour. Pour que vous discerniez les choses les meilleures dans ce que vous êtes en train de vivre. Il dit, il y a des choses qui se passent alentour de vous. Je veux que vous discerniez les choses les meilleures. Est-ce qu'il parle de meilleures entre les choses du monde et les choses de l'Église? Est-ce qu'il parle des choses les meilleures? Parce que meilleur, c'est-tu meilleur en comparaison entre bien et mal? Ou bien c'est prendre une décision entre plusieurs biens. Tu sais, il y a deux choses bonnes, mais laquelle est la meilleure dans les bonnes? Je crois qu'il parle de discerner entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce que si on lirait Philippiens, on verrait qu'il y a des gens qui amènent du faux. Dis-moi, je veux que vous discerniez les choses qui sont vraies, qui sont les bonnes, qui sont là pour la gloire de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc, il dit, si vous avez un amour pour Dieu qui grandit, qui avance dans la connaissance, vous allez pouvoir discerner les choses les meilleures. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. Puis ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Wow! De quoi il parle là? De quoi il parle là? Vous allez discerner les choses les meilleures. Et je prie que votre amour augmente afin qu'au jour du Seigneur, le jour du Seigneur, le jour de Christ, tu es d'accord avec moi qu'il parle du seul retour? Mm-hmm. Il parle du retour du Seigneur. Donc, il dit, en tout cas, c'est ça que je pense aussi. Il dit, je prie que votre amour augmente afin que, au jour que le Seigneur va venir, vous soyez purs et irréprochables. De quoi est-ce que... Ça ne peut pas être pur sans péché parce qu'on l'est déjà purifié par le pardon. OK. De quoi il parle? Moi, d'après moi, c'est dans notre compréhension de la vérité. La personne de Dieu. OK. Ça meilleur, toujours dans le contexte de l'amour aussi, mais meilleur ma connaissance est de Dieu ou de son plan qu'il est en train d'accomplir. Je pense que Dieu utilise cette vérité-là pour. Il y a un verset qui dit sanctifie-les par ta vérité. Mm-hmm. Donc je pense peut-être qu'il est en train de parler de ça dans le sens que. Qui parle de notre sanctification? Peut-être, dans le sens que, comme Daniel dit, on est pur en Christ. C'est une chose. Donc, mais Dieu me transforme, Dieu me dirige dans une direction. Et si je connais sa vérité, si je connais sa parole, si je discerne ce qui est meilleur, ce qui est vraiment la vérité, Dieu va l'utiliser pour m'enligner justement dans son plan. Okay. Si on prend le texte qu'on dit les Philippiens, au jour du Seigneur, ne sont pas purs et irréprochables. Qu'est-ce qui arrive? S'ils ne sont pas purs et irréprochables au jour du Seigneur, il arrive quoi pour ces gens-là? Ils sont faits à l'os. Je vous encouragerais à demander, si vous prenez l'expression « peu et irréprochable » dans tout le Nouveau Testament, comment est-ce qu'on fait pour être peu et irréprochable? Ça veut dire perfection, ça. Mm-hmm. C'est perfection. Il dit, je prie que votre amour augmente en connaissance et en intelligence pour que vous discerniez les choses les meilleures, afin que, quand Jésus va venir, vous soyez acceptable à ses yeux. Donc, il est en train de prier, selon ma compréhension, que je veux que vous discerniez qu'est-ce qui est vrai du mensonge. Parce que si vous tournez vers le mensonge, vous êtes perdu. C'est pas l'amélioration. C'est pas une vie meilleure. C'est pas est-ce que je peux être un meilleur chrétien, entre guillemets. Non, il prie pour qu'il reste chrétien. C'est pas mal différent. C'est que nous autres, on a tendance à prendre ces passages-là, comme on vient de faire là. On les applique, vu qu'on est déjà sauvés, on dit nos péchés sont pardonnés, donc on ne peut pas parler de ça. Fait qu'on pense qu'il parle, en général, d'amélioration de la vie chrétienne. Mais ce n'est pas ça, en grande partie du temps dans le Nouveau Testament, que les auteurs parlent. Ce qu'ils veulent, là, c'est que les chrétiens soient debout. Qui sont restés attachés aux choses les meilleures, qui est la vérité. Et je prie que votre amour pour Dieu augmente en connaissance et en intelligence. Donc, je veux que vous compreniez bien qu'est-ce que Dieu est en train de faire, qu'est-ce que Dieu fait, comment Dieu fonctionne, quel est son plan avec l'Église, quel est son plan avec le retour du Seigneur, que vous compreniez bien ça et que vous restez attachés à ça. L'amour que vous allez avoir pour Dieu va vous garder attaché à ces choses-là. Est-ce qu'on rejette quelqu'un qui nous aime? Est-ce qu'on rejette quelqu'un qu'on aime? Ben non. Ben non. C'est ça. Puis nous, on oublie ça. On oublie ça. Parce que le désir que j'ai d'aimer Dieu davantage, c'est pas que je sois capable de regarder moins la TV. Non! C'est pas pour que j'arrête de boire, c'est pas pour que j'arrête de compter un mensonge. C'est pas ça le but. Je suis pas contre le fait qu'on doit combattre contre les péchés de Dieu. Mais le grand but de l'aimer, c'est de rester attaché à lui. Parce que dans le fond, mes frères et sœurs, même qu'ils reviennent, c'est juste ça qui va compter. Là. Est-ce que je suis attaché à lui? Est-ce que j'ai resté attaché à lui? Puis moi, pas pour vous autres. Mais pour moi, après quasiment 35 ans de vie chrétienne, j'en ai vu débarquer. Je vous garantis que j'en ai vu débarquer. J'en ai vu débarquer. Des gens. Si tous les gens qui ont été faits profession de foi et qui ont été baptisés dans nos églises évangéliques au Québec, qui seraient dans nos églises aujourd'hui, on ne serait pas 20 000, on serait 40 000, 50 000. C'est moi ce qu'on sait en tout. Peut-être plus. C'est moi ce qu'on sait en tout. Je ne sais pas. Moi, je regarde juste dans ma vie à moi, là, dans mon église que je suis présentement, je regarde. Puis je m'informe. Ça, j'étais parti pendant 20 ans. Hey, est-ce qu'il y a un tel? Est-ce qu'il est lui? Oh, il ne marche plus. Ils sont partis. Ils sont plus là. Ils ne croient plus. Ils ont remis la foi. Ils sont partis. Ils sont tous dans le monde. Donc, toutes nos expressions. Là. Je me dis, hey, comment est-ce qu'il y en a finalement qui sont restés à travers les années? Mais je crois que pour nous, frères et sœurs, il est plus important de rester attaché à la vérité que d'essayer de marcher droit, comme on dit en québécois. En tant que chrétien. Depuis péché. Je crois qu'on essaie tellement en tant que chrétien de ne pas faire de péché parce qu'on croit que c'est ça la grande chose à faire. Puis finalement, de jour après jour, on s'aperçoit qu'ils sont toujours là, ou ils reviennent toujours sous différentes formes, ces péchés-là. Puis on se décourage, on se démoralise, puis on dit, j'arrive pas à faire ce que j'aimerais faire. Mais je crois qu'on aurait plus de résultats, si on ne peut pas appeler ça comme ça, si on inverse ça. Je m'occupe de garder la foi, de bien connaître la foi, de bien comprendre c'est quoi l'Évangile, de bien j'ai mis dans mon site internet Don Carson qui prêche « What is the gospel and how it works? » C'est quoi l'évangile et comment ça marche? Puis lui enseigne ça à des gens qui sont supposés être tout le monde chrétien. Mais il est encore obligé de... Moi, je sais qu'on est obligé de faire constamment dans nos vies de faire un peu ce que l'apôtre Paul a fait avec l'Épître aux Hébreux. de toujours ramener l'Église à la vérité. Toujours ramener l'Église à la vérité. Toujours ramener l'Église à la... Hey, c'est quoi? Moi, je serais curieux de faire ça. Si on s'assirait ensemble, juste nous autres, et si on impliquerait tout le Québec, puis on dirait, écrivez-moi 5 pages, c'est quoi l'Évangile pour vous? On écrirait toute une encyclopédie bien différente. On ne comprend plus l'Évangile de la même façon, en grande partie. Par les églises en général. On ne voit plus. Puis là, maintenant, vous avez entendu, peut-être qu'on a parlé un petit peu hier, là, le grand mouvement qui s'en vient des églises évangéliques, maintenant que l'enfer n'existe pas, comme on le croit aujourd'hui. Les grands hommes, là, hey, les gars, des John Stott, John Stott qui dit que la Bible n'enseigne pas un enfer comme on croit. John Stott, c'était le père, presque, de l'Évangile des années 1950. C'était le père de l'enfer. non, mais c'est un Anglais, en Angleterre, mais il a fait une grande impact dans le mouvement évangélique dans le monde. Puis d'un coup, à la fin de sa vie, il dit, ben, l'enfer, ça n'existe peut-être pas comme on pense. Tu te dis, moi, ça ne me fait pas, ça m'énerve parce que je me dis, hé, si lui, il fait ça, qui suis moi, tu sais, qui suis pour dire, ça ne m'arrivera jamais, moi, ça ne m'arrivera jamais. J'oublie que ton amour augmente, mon Alette. Pour que tu discernes les choses les meilleures. Puis confie-toi dans l'œuvre de Dieu, non pas dans ta capacité, parce que tu vas planter. Dans notre capacité, vous savez, on est capable de tout le faire, ça. Mais si je prie, c'est mon désir juste de comprendre Dieu, de comprendre l'Évangile, de comprendre le plan de Dieu, comment ça fonctionne, cette affaire-là. Et d'aimer Dieu parce que je comprends son amour à lui. Je vais discerner les choses qui viennent de Dieu, les choses qui sont vraies, les choses qui viennent de Dieu et non pas des hommes. Mais je suis en train de lire Colossiens dernièrement, puis Paul, il se bat avec l'Église. Il dit, ça paraît bien beau, ne touche pas, ne mange pas, ne fais pas ci, ne garde pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est tout bien beau, là, mais ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Pourquoi il est obligé de se battre et tout encore? Pour garder l'Église de Colosse dans la vérité. Vous remarquerez, frères et sœurs, l'Église dans un pays donné ne fonctionne jamais plus que 150 ans avant d'apostasier. Allez voir dans les grands réveils de la réforme en Allemagne. L'Allemagne, si vous regardez autant d'Hitler, c'est bien loin de l'Évangile. Pourtant, Martin Luther, le grand réformateur, c'est un Allemand. Puis il y en a un grand réveil en Allemagne. Regardez la France, un des pays les plus athées au monde aujourd'hui. C'était le berceau de l'Évangile, en partie avec Calvin, qui a amené une grande réforme. Dans le temps de l'Angleterre, c'était une grande mission là, dans l'Europe, des années 1700, avec toutes les gens qui ont amené l'Évangile du côté-ci en Europe, en Amérique. Ça venait toute l'Europe. L'Europe aujourd'hui, est spirituellement, est morte. Qu'est-ce qui fonctionne? Ça ne dure jamais. Parce que finalement, l'Église, elle ne fait pas assez attention, on dirait, on dit qu'elle s'est loin. Tranquillement, une génération, deux générations, trois générations. Le mouvement meurt, il en part d'un autre côté. Dieu continue son œuvre quand même, mais il faut juste changer de direction. Il continue à sauver son monde, parce que l'Église n'arrête pas de fonctionner. Mais les mouvements ont tendance à s'éloigner tranquillement de la vérité. Et on le voit dans le Nouveau Testament, juste 60 ans. Parce que c'est de l'année 30-35 à l'an 2000, le Nouveau Testament, autour de 60 ans des 10 ans. Et si vous lisez l'Apocalypse, les 7 églises qui sont là, c'est pas drôle. T'as pas le tout premier amour, t'as des doctrines de démons dans ton sein, tu passes pour être vivant, moi je te dis t'es mort, je vais te vomir de ma bouche. Ça fait pas si longtemps que ça, là, 60 ans des 10 ans. L'église a commencé, implantée par les apôtres, en grande partie. Pourtant, Jésus leur parle et leur dit, hey, regardez ce que vous êtes rendu. D'accord. Tantôt, ce que je voulais dire que c'est vrai qu'on voit aussi dans nos vies ou dans la vie de quelqu'un, quand on ferme ça, dans notre vie, on a présentement on a une mémoire courte. Hein? Oui. C'est dégueulasse. On a une mémoire courte, là. Ça fait que là, il y a des affaires là, qu'on fait, qu'on ne faisait plus. Là. Je parle juste des actions, mais pas juste des actions, mais plutôt au niveau moral, là, supposons, les choses qu'on faisait plus, parce qu'on l'oublie. On oublie, puis on voit ça dans nos enfants, on voit ça dans des gens. Quand c'est toi qui ferme ça, bon, après ça, il vient de l'église, et puis l'enseignement. Mm. Puis là, c'est comme, on dirait, tu dis, comment ça se fait? Avec toute la connaissance de ton lieu. C'est la question qu'on devrait se poser. Pourquoi un jour il décide de fermer ça? Pourquoi un jour il décide de fermer ça? Pourquoi un jour. Le chrétien décide à un moment donné, ou la personne qui se dit croyant, décide un jour de dire ben, je ne vois plus à l'église, je ne vois plus ici, je ne suis plus à la Bible, je ne suis plus. Pourquoi ça ne se passe jamais du jour au lendemain? C'est une longue période de temps. On ne s'en rend pas toujours compte, là, mais si on serait transparent avec nous-mêmes, avec les gens, on s'apercevrait je suis moins intéressé. Des fois, on va dire, nous autres, dans notre jargon québécois, il a perdu son zèle. Il va moins à l'église, il allait à l'église trois fois par semaine, mais il va plus une fois, puis il y a autre satiniste, tout ça, long. On voit que tranquillement, il y a quelque chose qui se passe, là, jusqu'au jour que finalement, il va dire, c'est fini pour moi, je ne vois plus là, je ne connais plus la source. Et là, ils vont partir dans une autre direction. Mais qu'est-ce qui fait que ça fait ça? Et est-ce que ça se peut sur le croyant qui a été régénéré? Est-ce que ça peut arriver au croyant qui a été sanctifié? Est-ce que ça se peut que ça arrive à ces gens-là? La réponse, c'est non. Il faut comprendre qu'il y a une grosse gang de ceux-là qui partent, qui n'ont jamais été de la gang. Les gens disent ça comme ça, hein? S'il avait été des nôtres, ça restait avec nous autres, ça n'a pas sorti du milieu de nous. Il y en a une grosse gang qui part. Puis Paul va le dire dans ses épîtres. Il dit, ils sont partis pour l'amour du siècle présent, ils ont abandonné la foi, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils partent. Il faut comprendre qu'il y en a qui vont embarquer dans le grand mouvement. Je ne sais pas si vous connaissez le grand homme de Dieu, il s'appelle Jonathan Edwards. Vous avez déjà entendu parler de lui, peut-être. C'est un Américain, tous les États-Unis. Mort à 33 ans. Il a eu un réveil. Un grand réveil à partir de son église. Hein. 33 ans. Il va mourir, lui, comme Jésus, à 33 ans. C'est pas de même, ça marche. Il est mort de la maladie à 33 ans. Il était missionnaire chez les Autochtones. Lui, après le grand réveil, a dit, si ça sert à refaire, je suis prêt pour que ça n'arrive pas. Et vous, comment c'est drôle, hein? Il s'est aperçu qu'il y avait un paquet de monde qui était là-dedans, que ça, c'était pas vrai. Puis ça l'a mis plus à l'église à long terme que la réalité. Parce que nos églises, il n'y en a plus de monde. Le message qui pêchait, c'était assez. C'est parce que quand il dit ça devient envoûtant, c'est devenu la mode. Tout le monde en bat. Ok, c'est ça. Tout le monde en bat. Les gens en bat parce que c'est ça. Tout le monde parle de ça. C'est, toute ma famille a embarqué. Comment qu'on a vu? Moi, j'ai vu des familles en entier. Tout le monde se convertissait, tout le monde embarquait dans l'église, dans la famille. Puis au bout de 4-5 ans, 5-6 ans, ça partit. Là. Il y en a qui lâchaient parce qu'ils avaient embarqué parce que toute la famille embarquait. Puis, mais dans la réalité, c'était pas ça. Non? Et, il y en a juste peut-être un ou deux qui étaient sauvés. Les autres, ils l'étaient pas. Mais ils ont embarqué parce que toute la famille embarquait. On a un peu un exemple avec nos enfants qui vont suivre pendant tant d'années. Puis à un moment donné, à l'âge 17-18 ans, c'était bon. Pourtant, pendant longtemps, ils ont fait que prier avec nous autres, Peut-être qu'ils ont été baptisés quand ils avaient 12-13 ans. Ils ont embarqué parce que toute la famille était là-dedans. Puis à un moment donné, ils prennent leur propre décision, puis ils partent. C'est notre bord. Mais il faut comprendre qu'il y en a qui vont débarquer parce que c'est parce qu'ils n'étaient pas des noms. Ils n'étaient pas des croyants, tout simplement. Il y en a d'autres qui sont croyants, comme Paul s'adresse dans les Épîtres, à des croyants. Il leur parle, il leur dit ici, là, je rends grâce à Dieu, puis tu sais, je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu. Il dit, je prie finalement pour que votre amour augmente afin que vous soyez plus irréprochable quand il va revenir. Donc, il voit qu'il y a des chrétiens qui luttent avec un manque de compréhension de ce que c'est l'Évangile. Peut-être moins longtemps. 2 ans peut-être. Un gars, je connais, il va à l'église depuis 10 ans, il est baptisé, tout fonctionne. tout d'un coup, il se passe de quoi dans sa vie? De dur avec ses enfants, c'est vraiment difficile. Père, renie la foi, décroche complètement, il rebelle avec Dieu. Il est vraiment. Il débarque, je ne vais plus à l'église, fini. Puis tu dis à sa femme, t'arrêteras bien parce que toutes sortes d'affaires, puis tu, ça ne marche pas, c'est pas vrai, c'est une gang d'hypocrite, en tout cas, toute la quête. Moi, je le rencontre un peu plus tard, je lui mange la paix, je lui dis, hey, on peut-tu parler, tu te vois un peu, puis qu'on va prendre un café ensemble, puis je jase avec lui, puis on parle. Puis... J'ai dit, veux-tu me conter comment tu étais sauvé? C'est quoi ta profession de foi? Qu'est-ce que tu avais accompli? Il me raconte ça. Mais moi, je voudrais te poser la question, est-ce que tu serais prêt aujourd'hui à te convertir pour servir Dieu le restant de ta vie? Il dit non. Mais vous, qu'est-ce qu'il avait compris? Il n'avait pas compris complètement, du moins. Il n'avait pas compris complètement. Il avait compris des choses de l'Évangile, mais il n'avait pas compris que tout ça, c'était pour finalement produire « Je puis avec votre amour, moi, afin que vous discerniez les choses de manière, afin que... » Mais il n'y avait pas... Pour lui, la conversion, c'était avait un but qui n'était pas tout à fait bien aligné. Avec le fait que lui, en acceptant Jésus-Christ dans sa vie, il devenait un serviteur, il devenait... Ça le rendait capable de servir Dieu, d'adorer Dieu, puis de glorifier Dieu. Lui, il s'est converti pour ne pas aller au ciel, puis Dieu était là pour l'aider. Pour ne pas aller en enfer, je veux dire. Et aller au ciel, et pour pouvoir avoir de l'aide dans ce qu'il voulait faire. Et là, dernièrement, après 2 ans, parce que je continue, on se côtoie pareil, parce que sa femme est chrétienne. On se doit travailler. Mais là, dernièrement, il vire de bord. Il revient à la compréhension de dire, ouais, peut-être ça avait raison, c'est ça. Il faut que je me tourne vers Dieu pour le servir, et non pas pour être servi par Dieu. Je crois que des fois, il y a des chrétiens qui peuvent plonger pas mal loin, parce qu'ils ont un manque de compréhension. Sont désabusés, ils ne comprennent plus ce qui se passe. Pour eux autres, là, ils ont prié sincèrement, avec toute la foi qu'ils pensent avoir, que Dieu, puis on se fait dire de demander avec foi que tu vas l'avoir, parce qu'ils font tout ça. Tout d'un coup, ça va même le contraire. Ça va même pas juste un petit peu dans la direction, ça va le contraire de ce qu'ils ont demandé. Là, ils sont tous démoussolés, ils ne comprennent pas rien. Là, mais si c'est ça, ça ne marche pas. Si c'est ça, c'est pas vrai, les chrétiens. Donc là, ils décrochent. Et là, tranquillement, il faut les aider à comprendre mieux Dieu avec la connaissance et avec une pleine intelligence de qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Et pourquoi il est devenu chrétien? Qu'est-ce que c'est la vie chrétienne? Et qu'est-ce qu'on va faire au ciel? Le jour, je t'assieds avec une dame déployée. Je parle du retour du Seigneur avec ça. J'ai assez hâte. Dieu n'aurait plus de problème. C'est pas genre, c'est hop, Dieu va être glorifié, Dieu va être exalté. Il n'y en aura plus de problème, on va être subin au ciel, toi. Va te voir, on fait beau, on sera jamais malade, il n'y aura plus de tristesse, c'est ça le ciel. Voyez-vous, comment est-ce qu'on pense? Mais si je pense que c'est ça, là, puis que ça ne va pas dans cette direction-là, je tombe. Je tombe. Et Paul est toujours en train, vous remarquerez, Paul est toujours en train de vouloir emmener plus de connaissances à l'Église. Pour qu'il puisse persévérer jusqu'à la fin. Et il fait bien moins de sermons, sermons bien moins les chrétiens qu'on pense. Il en parle des effets de l'Évangile dans notre vie. Mais il est plus intéressé à augmenter la connaissance de Dieu auprès des croyants, la connaissance de Jésus-Christ auprès des croyants, que d'autres choses. Parce qu'il sait qu'est-ce que ça va faire comme impact dans leur vie. Si je comprends bien Dieu et qu'est-ce qu'il est en train de faire. Moi, j'aime plus Dieu et je comprends mieux ce qu'il est en train de faire. Je suis moins déçu, je suis moins hypothéqué, je suis moins tenté quand le diable vient qui me fait voir que, gars, si Dieu t'aimerait, ça n'arrivera pas. Si Dieu t'aimerait, il fait ceci. Si Dieu t'aimerait, il fait cela. Si Dieu... Et aussi quand tu vois... tu connais ce que Dieu aime, ben tu vas être porté à pouvoir faire ce parce que tu aimes. Quand tu connais quelqu'un, ma femme, là, je sais qu'elle aime, mettons, un exemple. pas ça. Mais... Mettons, chocolat noir, oui, oui, elle n'aime pas le beurre. Bon. Ben, je l'aime, puis je sais qu'est-ce qu'elle aime. Mm. Je n'y achèterai pas, je ne l'achèterai pas. Il bon, y a une espèce de cercle qui s'installe. Mm. Quand je comprends l'amour de Dieu, j'aime plus Dieu. Puis quand cause que j'aime plus Dieu, je vais aller plus vers Dieu. Fait qu'il y a une espèce de cercle qui s'installe. Qui, j'ai déjà un livre qui s'appelle « Le cercle de la sainteté ». C'est ça qu'il disait. « Plus je m'approche de Dieu, plus je le vois grand, plus je me vois petit. Plus je m'approche de Dieu, plus je le vois blanc, plus je me vois brun ou noir. » Fait que, mais il dit « Un cercle s'installe. Plus je m'approche, plus ça a un effet sur moi. » Et c'est pas forcé. C'est juste que c'est comme ça. Et nous autres, on fait trop d'efforts. Personnellement, ce que je trouve. On fait trop d'efforts par la chair pour vouloir arrêter de faire certaines choses. Au lieu de laisser la vérité avoir un impact dans notre vie et que ça change les choses dans la bonne direction. Parce que je crois que si je vais trop par la chair pour transformer ma vie, ça va de faire de moi un pharisien avec le temps. En disant l'arrêt judgmental, on va juger, condamner les autres. Hein, parce qu'ils ne font pas comme nous. Ils font moins que nous. Parce qu'on a réussi, d'autres, par notre volonté à arrêter de faire certaines choses ou à faire certaines choses. Mais si on laisse la vérité venir, parce que dans nos prières, augmente ma compréhension de toi, augmente mon amour de toi, augmente ma compréhension des Écritures, augmente de te voir grand, de te voir omniprésent, omnipotent, de te voir comme tu es, automatiquement, ça met l'homme dans la position de créature, l'homme dans la position de sujet, de serviteur, en guillemets, l'humilité. Moi, je me dis, savez-vous qu'est-ce que le chrétien est le plus humble dans sa vie? Le chrétien est le plus humble, c'est pas comment il s'habille, c'est pas comment est-ce qu'il quelle sorte de maison qu'il a, c'est pas ça. C'est quoi? Quand il prie. Oui, oui. Mais je dirais encore un autre étape en arrière de ça, c'est quand il est en train de dire, je suis capable de rien faire. Dieu a tout fait pour moi. Moi, je vis sous la grâce. C'est là qu'il est le plus humble. C'est là qu'il est le plus humble. Je ne suis pas capable de rien faire, sans Dieu. Et le petit peu de bien que je peux faire, c'est Dieu qui le fait à travers moi, parce que moi, je suis un être humain incapable de faire quoi que ce soit. Je vis sous la grâce. J'ai été sauvé par grâce, je vis sous la grâce, je vais être glorifié par la grâce, c'est toute la grâce qui fonctionne tout le temps. Et donc, je me dis, cette requête de Paul devrait faire partie de notre vie de tous les jours. Je prie dans mes prières. Je demande dans mes prières que votre amour augmente en connaissance. Et moi, je me dis que des fois, je me dis, je te cite, je me dis, Seigneur, il y a un désir en nous d'être heureux, d'être on veut être heureux, on veut être bien. Puis, des fois, Seigneur, je dis, Seigneur, nettoie en moi, parce que j'ai des choses que je pense qu'ils vont rendre heureux qu'ils ne feront pas. Mais je pense qu'ils vont rendre heureux. Mais ça ne le fera pas. C'est parce que j'ai un manque de compréhension. J'ai un manque de connaissance. Puis là, je prie, Seigneur, augmente en moi la connaissance. C'est tout que vous allez voir si vous lisez la deuxième épître de Pierre. Le mot connaissance, on revient, je ne sais pas comment faire. Pierre, il voit les chrétiens en trouble dans la première épître. Dans la deuxième épître, il leur dit, connaissance, connaissance, connaissance, connaissance, connaissance, connaissance, connaissance, jusqu'à la fin. Commence par ça, puis finis avec ça. Les trois chapitres. Augmentez votre connaissance, c'est ça qui va vous sauver. De tous ces problèmes-là que vous avez. De tout ce, entre guillemets, mensonge qui vous entoure continuellement. Parce que le mensonge vient en nous, à travers nous, continuellement. De toute façon, on l'entend à la télévision, on l'entend à la radio, on l'entend dans la musique, on l'entend nos voisins, on l'entend à sa job, on l'entend partout. Parce que, puis on l'entend de notre propre chair, parce qu'on a, on est aussi des pécheurs. Et là, ça nous tire et Seigneur, je vois bien, puis des fois je dis, Seigneur, je veux pas me forcer. Je veux pas m'obliger. De quoi? Je veux que ta vérité m'amène à vouloir le faire, à désirer le faire, à aimer le faire. Je ne veux pas me battre avec une telle affaire par la volonté. Parce que vous allez voir, il y a des gens, moi je connais des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ont eu des vies changées. Des vies changées, là, extérieurement parlant. Là. Juste par la volonté. Parce qu'on savait que c'est pas par l'aide de Dieu. Dieu n'est pas là dans nos vies. Mais qui ont réformé leur vie, qui vont arrêter de boire, arrêter de prendre de la drogue, vont arrêter de faire un paquet d'affaires, juste par la volonté de l'être humain. Tu sais, mon beau-père, il fumait 2-3 paquets par jour de cigarettes. Là. Une après, il s'allumait tout le temps. Toujours pas de taxi, tout le temps. À un moment donné, il dit, t'as essayé ça, c'est trop cher. Fini. Il n'a jamais fumé. Il avait 60 quelques années quand quelqu'un dit ça. Il est mort en 92. Puis il y a des chrétiens que je connais. Ils réussissent pas à arrêter de fumer. Ça fait 30-40 ans qu'ils sont sauvés. Ils fument encore. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, là, mais on voit que tu peux réformer ta vie par la volonté de la chair. Ou, pour d'autres raisons, lui, son motif, c'est quoi? Coûte trop cher. L'autre, il va arrêter quelque chose, pas bon pour la santé. Il fait plus ça parce que ça fait du dommage, en fait. Mais de dire, là, je veux arrêter telle affaire ou j'aimerais faire telle affaire par amour pour toi, pour, puis parce que c'est ça que je prends plaisir à faire ça pour toi, puis pour que toi, tu sois glorifié. Ça, mais faire ça, c'est divin. C'est juste Dieu qui peut nous aider à faire ça. Nous, maintenant, par là, on ne va pas dans cette direction-là. Mais je crois que si on va prier dans ce sens-là, que, c'est-à-dire, augmente ma capacité, augmente de comprendre, aide-moi à lire, aide-moi à étudier, aide-moi à écouter une vidéo, aide-moi à comprendre que peut-être que je peux mettre quelque chose de côté dans ma journée, puis pouvoir faire autre chose, qui va m'aider à augmenter mon amour pour toi. Mais que ça nous aide à le faire, pas par la force de la volonté, de la chair. Il faut faire attention. Parce que quand on fait ça, tu sais ce que ça fait? Moi, ça fait un temps. Ça fait un temps. Moi, j'ai des plantes de rhubarbe chez nous dans une place, puis je vais les enlever. Ils ressortent tout le temps. Non, mais ça, j'ai tout enlevé. Deux heures après, oups, non, ça. C'est dedans. C'est comme notre chair aussi, on réussit par la chair à arrêter quelque chose, le même problème va sortir derrière d'une autre façon. Je veux dire, j'ai résolu mon problème. Non, tu as juste changé de problème. Tu as changé de problème. Et, le jour, je parlais avec un homme non-croyant. J'ai dit, je vais sortir de mon trou, je vais sortir de ma misère. Oh, tu vas juste tomber dans un autre trou. Tu vas juste tomber dans un autre. C'est pas le Seigneur qui te sort. Toi, tu vas te sortir d'un trou pour tomber dans un autre. Un aveugle qui cause un autre aveugle, tu es dans le même trou. Ça va pas faire ça. Mais je crois que plus je vais aimer Dieu, c'est parce que je comprends qu'il m'aime, moi. Qui il est. Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans le monde. Je vais discerner les choses qui sont les meilleures. Moi, je vais faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Ce qui va me permettre de rester attaché au Seigneur, donc je vais être pur et irréprochable, le jour où il va venir me chercher. Mais vous, quand il priait, c'est un peu différent de ce que nous autres, des fois, on peut penser de notre temps de prière. Ou est-ce que nous autres, on est centré sur un paquet de petites affaires qui se passent autour de nous. Quand on oublie que la grande chose, que c'est Dieu qui est intervenu dans ma vie, et moi, je suis en relation avec lui, et je vais le louer, je vais le glorifier. Je vais le dire à la fin de sa phrase, hein? Parce que quelques versets, là, c'est une grande phrase. Oui. Rempli du feu de justice, et pas à la gloire et à la louange. Il faut que ça produise ça avec le temps. Parce que quand il dit, là, rempli du feu de la justice, là, je ne crois pas qu'il part. De ma capacité d'obéir, de ma justice que je vais être capable d'obtenir en faisant bien ou mal. Là. Je crois qu'il dit rempli du fruit de la justice, du fruit de ce que Jésus a fait. Qui est par Jésus. Donc, je vais être rempli de ça. Donc, c'est toute une requête qu'il fait là, c'est tout un impact. Tu vas discerner les choses de meilleur, tu vas être peu irréprochable au jour du Seigneur, tu vas être rempli du fruit de la justice, tu vas faire la louange de la gloire de Dieu. Si cette requête-là est répondue, là, ça fait toute une réponse, là, c'est tout un impact dans ma vie, cette requête-là. Fait que je me dis, François, prie-le. Prie-le pour les autres, prie-là pour toi, prie-là pour ton église, prie-là pour tes enfants qui sont chrétiens, prie-là pour ta femme, prie-là pour tes gens autour de toi. Donc, Seigneur, c'est vraiment le but, puis de raffiner. Moi, je me souviens, quand j'ai le premier temps, j'ai changé ma vie de prière, en tout cas, ma façon de prier, je me souviens, ces prières-là, je les priais mot à mot. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. J'avais écrit ça dans un livre. Je prenais mon temps de prière, je disais, Seigneur, Paul a demandé ça, qui priait pour ça, moi aussi. Je prie, Seigneur, que tu augmentes mon amour, en connaissance, en intelligence, afin, puis là, je priais à la même prière, mot à mot. J'ai fait ça pendant une couple d'années, où j'avais tout rassemblé les prières de Paul dans le Nouveau Testament, de Pierre, de Jésus, puis j'ai prié mot à mot. Je disais, quand tu ne sais pas composer ta musique, tu joues la musique des autres. C'est ce que je me disais. C'est ça que je me disais. Quand tu ne sais pas composer, tu prends le... Puis mais avec le temps, j'ai devenu que j'étais capable de composer mes propres musiques, mes propres prières. Puis je dis, Seigneur, là je peux te dire, bien, Seigneur, si c'est ça que ça veut dire, bien, je peux prier un matin, je m'en vais à l'église, je peux prier pour mon pasteur qui passe 30 heures, 40 heures dans protège-le, Seigneur, dirige-le, guide-le. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à... Moi, une requête de même m'a déjà aidé à donner des argent pour le pasteur pour qu'il puisse faire ça. Ça m'a amené dans cette direction-là. Parce que je voulais tellement qu'il enseigne pour que l'amour augmente que j'ai investi de l'argent pour qu'il puisse le faire. Parce que, vous voyez, il y a toutes sortes de façons comment ça va sortir, cette affaire-là. Parce que mon désir devient tellement, ça devient tellement prioritaire d'aimer Dieu plus, de plus en plus, parce que je vois les effets que ça fait. Ça t'amène à prier dans toutes sortes de directions. Qu'est-ce que je peux faire pour aider les missionnaires? Qu'est-ce que je peux faire pour que l'Évangile soit prêché à bien, une bonne connaissance, une bonne approche? Vous allez voir que la façon d'exprimer cette requête-là, que mon amour augmente en connaissance et en intelligence, va se diversifier, va devenir plus personnel. Vous allez voir que ça va s'exprimer de différentes façons. Des fois, moi, je suis dans mon église avec Télévé, puis je suis assis là, puis j'écoute, puis là, avec le gars après, je suis là, je prie. Surtout quand ça va pas dans la direction que moi, je suis passé. Je prie encore plus. Mais je prie. Et là, je prie pour que le Seigneur, la vérité est dite. Je veux qu'elle ait un impact sur les 150 personnes qui sont là. Je veux que ça ait un impact dans ma vie, puis dans la vie des gens. Je veux que tu transformes notre compréhension de toi. Vous, ça fait partie de ça, là. C'est la même requête, là. Ça, tu peux la faire quand tu veux, là. Tous les dimanches, si tu veux, c'est bien correct. Tu peux aller prier de différentes façons, pour différentes personnes dans l'église. Les professeurs d'école du dimanche qui enseignent les enfants, est-ce qu'ils vont enseigner correctement? Est-ce qu'ils vont leur présenter? Tout ça tourne autour, dans le fond, de la connaissance de Dieu. La connaissance de la personne de Dieu. Et ici, il parle de l'amour de Dieu, bon, on pourrait prier ça. Je prie que la compréhension que vous avez de la souveraineté de Dieu augmente. Savez-vous, ça pourrait être la même, une autre prière, dans la même direction. Seigneur, j'aimerais mieux comprendre comment tu es souverain. Comment j'ai entendu là, de chrétiens me parler du Japon. Dans ces grandes catastrophes-là, là, les chrétiens sont tous troublés. Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu Dieu qui a envoyé ça? C'est-tu la nature? C'est-tu la couche d'ozone? C'est-tu nous autres, les êtres humains, qui ont malmené la planète là, à réagir? C'est quoi? Ils ne savent plus si c'est Dieu qui a envoyé ça? Ou maintenant, si c'est juste un accident de la nature? Si c'est Dieu, c'est-tu Dieu qui a fait mourir les inconvertis et les chrétiens? Vous savez que les deux étaient là. Les deux sont probablement morts là-dedans. Comment je peux comprendre ça avec Dieu? D'ailleurs, aide-moi à comprendre ta souveraineté. Comment ça fonctionne? Comment ça marche, la souveraineté de Dieu? J'aimerais bien comprendre quel impact ça a dans ma vie, mais aussi dans la vie de ma ville, de mon gouvernement, de la planète. Est-ce que la souveraineté de Dieu, est-ce que Dieu était derrière ça? Est-ce que Dieu a voulu ça? Des fois, on dit Dieu n'a pas voulu, il a juste permis. C'est un jeu de mots qui n'est des fois pas une grande différence de théologie dedans. Mais, voyez-vous, je pourrais comprendre, aide-moi à comprendre mieux, à grandir dans ma compréhension de ta justice, de ton amour, de ta compassion, de ta miséricorde. On pourra tout prier ces requêtes-là, l'une après l'autre. Parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est de comprendre la personne de Dieu. Et je crois que si ce désir-là n'est pas en nous, on doit s'arrêter de se poser la question. Pourquoi est-ce que je ne veux pas plus connaître Dieu? Pourquoi ça ne m'intéresse pas? Pourquoi ça ne m'attire pas? Il faudrait se poser la question. Pourquoi? Mais je crois que le croyant a ce désir-là en lui, ça vient du Saint-Esprit, ça vient de la personne de Dieu, qui nous pousse. Donc, première requête de Paul, augmente notre amour en connaissance et en intelligence. Donc, c'est là que ça joue, ça devrait être notre première requête, et d'aimer Dieu. Puis là, l'aimer, c'est pas, on dit, c'est pas l'amour de... Si vous regardez l'amour dans la Bible, c'est pas l'amour de nos chansons de 2010, là. Mais non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment... quand j'aime Dieu, automatiquement, quand vous voyez, Jésus aimait Dieu, hein, on ne peut pas se tromper dessus. Si on regarde qu'est-ce qu'il fait, c'est grandiose. Donc, si vous voulez, on va prendre un moment de prière, et on va arrêter ça. À moins que vous ayez d'autres questions, Patrick, veux-tu me conduire ma prière? Bon Père du ciel, en étudiant ta parole, on s'aperçoit qu'on ne connaît pas grand-chose et que tu es infini. Seigneur, on est des étudiants à tes pieds et on veut apprendre de toi. Alors oui, on prie que tu te révèles, que tu révèles ta personne, que tu révèles, Seigneur, ta grandeur, ta beauté, ta gloire, Seigneur, afin qu'on puisse... t'aimer, oui, de mieux en mieux, davantage. On te demande, Seigneur, de nous enseigner par ta parole, de nous faire comprendre justement cet amour, de nous faire comprendre quel est le but de tout ce que tu fais dans nos vies, dans ton Église, dans le monde, afin qu'on puisse travailler avec toi et pour toi, qu'on soit des serviteurs utiles pour toi. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce temps que tu nous as offert dans ta parole, pour ce partage qui est court, mais qui va se répéter encore. Amen. Amen.